En mars dernier, la Conférence régionale des élus a tenu à Rouyn-Noranda un forum sur les mines. Les gens de l'industrie, les environnementalistes et les élus ont discuté de plusieurs aspects de l'industrie minière. Mais ce n'est pas suffisant, selon le regroupement, pour un débat public. Ses membres croient que la question des mines à ciel ouvert doit être débattue et que la région doit prendre position. Le comité de vigilance de Malartic, l'Action boréale, le groupe éco-citoyen de Rouyn-Noranda, la CSN et le syndicat de l'enseignement interpellent à nouveau les élus. Le président de l'Action boréale, Henri Jacob. Est-ce qu'on va en permettre dans le parc de Gabelle? Est-ce qu'on va dézoner le parc de Gabelle pour en faire des mines? Il y a des questions qu'il faut qu'ils se posent avant que ça arrive. Si on est capable de déménager une ville, est-ce qu'on est capable de dézoner un parc? Il faut se les poser, ces questions-là. Il faut qu'il y ait un vrai débat et que la population puisse se prononcer de façon sérieuse sur son avenir. La Conférence régionale des élus refuse de commenter pour l'instant puisqu'elle n'a reçu aucune demande officielle du regroupement. Pour sa part, le ministre régional Pierre Corbeil est disposé à poursuivre le dialogue. Il croit aussi que la question sur les mines à ciel ouvert est demeurée en suspens. Il faut que cette réflexion-là, qui a été amorcée au printemps et qui est restée ouverte, se complète. Le regroupement demande aussi à la population de prendre position et de signer un manifeste qui sera remis aux élus. Sandra Ataman, Radio-Canada, Malartic.